إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on se retrouve ce soir pour continuer la lecture et l'étude du livre Manhaj al-Salikin de l'éminent Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nous allons aujourd'hui commencer le chapitre sur les règles du jeûne. Et comme vous le savez, nous sommes à l'approche du mois de Ramadan. Il est donc très important pour le musulman d'apprendre ou de se remémorer ses règles, et ce, afin de pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration du jeûne d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce en se conformant à ce qu'Allah a légiféré dans son livre et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a donc dit « Kitab al-Siyam », le livre du jeûne, c'est-à-dire le chapitre réunissant un certain nombre de points et un certain nombre de règles liées au jeûne. Et avant de commencer à lire les paroles de l'auteur, il est nécessaire pour nous de savoir quel est le sens du mot « as-siyam » en arabe. On traduit le mot « as-siyam » par « le jeûne ». Mais « as-siyam » en arabe, cela signifie « al-imsak », le fait de s'abstenir d'une chose. Et dans la législation, « as-siyam » désigne le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant de boire, de manger et de toute autre chose annulant le jeûne, du lever véridique de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ceci est la définition d'as-siyam, du jeûne, dans la législation. Le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant de boire, de manger et de toute autre chose annulant le jeûne, du lever véridique de l'aube jusqu'au coucher du soleil. On voit donc à travers cette définition que le jeûne repose principalement sur deux choses. La première, c'est qu'en pratique, il consiste à s'abstenir de tout ce qui peut annuler le jeûne. Et on va voir dans un prochain cours, inshallah ta'ala, quelles sont les choses qui annulent le jeûne. Et ces choses, tu dois t'en abstenir du lever véridique de l'aube jusqu'au coucher du soleil. On comprend donc que le temps du jeûne, c'est le moment de la journée. Quant à la nuit, il nous est permis de boire, de manger, et ainsi de suite. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 187 de Surat al-Baqarah, lorsqu'il a dit « وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ » Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Ceci désigne le moment de l'aube véridique, l'heure où entre la prière du Fajr. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala, ثم أتم الصيام إلى الليل. Puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Et la nuit entre au moment du Maghrib, au coucher du soleil. Donc, le jeûne consiste à s'abstenir toute la journée, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, de tout ce qui pourrait l'annuler. Ceci est la première chose sur laquelle repose cette adoration. La deuxième chose, qui elle est très importante, c'est que tu fasses cela pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ton objectif, à travers ce jeûne, est d'adorer ton Seigneur, de te rapprocher de lui, d'obtenir sa récompense, sa miséricorde, son pardon, ainsi que son agrément. Telle est l'intention du musulman lorsqu'il jeûne. Et cette intention, elle permet à tes œuvres, dont le but est de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se distinguer des œuvres ordinaires. Il se peut qu'une personne s'abstienne de manger et de boire la journée, pour des raisons de santé, pour un régime ou autre. Mais le musulman, durant le mois de Ramadan, ou lorsqu'il jeûne en dehors de celui-ci, à titre d'adoration, il le fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a vu dans des cours précédents, l'intention est une condition pour nos adorations. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le célèbre hadith rapporté par le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, les œuvres ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Et on va voir, incha'Allahu ta'ala, les détails au sujet de l'intention concernant le jeûne. Ceci concernait donc la définition du jeûne et les deux piliers, les deux points principaux sur lesquels il repose. Passons maintenant au jugement du jeûne, et plus particulièrement le jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le jeûne du mois de Ramadan obligatoire, et il en a fait un des cinq piliers de l'islam, comme on le voit dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, dans lequel il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire « L'islam est fondé sur cinq, c'est-à-dire sur cinq piliers. » Puis il a mentionné premièrement l'attestation qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Ceci est le premier pilier, les attestations de foi. L'accomplissement de la prière, deuxième pilier. L'acquittement de la zakat, le troisième pilier. Le jeûne de Ramadan, le quatrième pilier de l'islam. On voit donc que ce jeûne, il a un rang éminent dans notre religion, car il fait partie des piliers sur lesquels la religion de la personne repose. Et c'est une obligation à l'unanimité des musulmans. Et l'ordre du jeûne du mois de Ramadan est venu explicitement dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 183 de Surat al-Baqarah, « Ya ayyuhal ladina amanu, kutiba alaykum ussiyam, kama kutiba ala alladina min qablikum, la'allakum tattaqoon. » Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit. Il vous a été rendu obligatoire. Comme il a été prescrit à ceux avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Et de quel jeûne il s'agit ici? La réponse, elle se trouve un verset après celui-ci, au verset 185. Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. » Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens, épreuve claire de la guidée et du discernement. Donc, quiconque parmi vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Ces versets nous prouvent explicitement l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Et ce jeûne, il a de nombreux mérites. En plus d'être un moyen de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant un des piliers de ta religion, ce jeûne, il te permet d'obtenir, bi'inillahi ta'ala, le pardon de tes péchés. Médite à ce sujet sur ce hadith immense rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. D'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Allahu Akbar. Tu jeûnes ce mois avec foi, c'est-à-dire avec foi que ce jeûne est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrite pour les croyants. Et en espérant la récompense, c'est-à-dire que tu jeûnes sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas pour faire comme les gens, non pas pour recevoir leurs compliments, non pas pour faire comme ta famille ou comme tes amis, mais tu jeûnes en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui jeûne avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Il y a donc un grand mérite à jeûner ce mois immense. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala, toujours d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les cinq prières quotidiennes, les cinq prières obligatoires, la prière du vendredi à l'autre, le jeûne du mois de Ramadan jusqu'au suivant, expie les péchés qui sont commis entre eux. C'est-à-dire que lorsque tu fais le dhuhr et que tu as fait avant cela le fajr, les péchés que tu as commis entre le fajr et le dhuhr, ils sont expiés. Puis lorsque tu fais l'asr, les péchés que tu as commis entre l'asr et le dhuhr, ils sont expiés. Et ainsi de suite, avec les cinq prières quotidiennes. Ceci est donc une expiation quotidienne des péchés. Ensuite, vient la prière du vendredi, une fois par semaine. La prière du vendredi à l'autre expie les péchés qui sont commis durant la semaine. Ceci est donc une expiation hebdomadaire. Puis vient une autre expiation annuelle. le mois de Ramadan jusqu'au suivant. C'est-à-dire que ce mois de Ramadan que tu vas jeûner, inshallah ta'ala, il sera une cause pour que tes péchés commis durant l'année soient expiés. Toutefois, médite sur la condition qu'a émise le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « À condition que les grands péchés soient évités. » C'est-à-dire que celui qui bénéficie de cette expiation, c'est celui qui s'écarte des grands péchés. On comprend donc que cette expiation, elle concerne les petits péchés. Donc celui qui s'écarte des grands péchés, qui s'écarte du vol, de la fornication, de la consommation de boissons enivrantes, qui s'écarte également des grands péchés de la langue, le mensonge, la médisance, la calomnie, le colportage, ceci fait partie des grands péchés. Les gens les pensent insignifiants, mais ce sont des grands péchés desquels il incombe aux musulmans de se repentir après les avoir commis. Donc celui qui commet ses péchés quotidiennement, qui ment, qui médit, qui calomnie, celui-ci ne profite pas de ses expiations entre ses prières. Il ne profite pas de ses expiations chaque vendredi. Il ne profite pas de ses expiations le mois de Ramadan. Et ce, s'il persiste sur ses grands péchés. Donc celui qui commet des grands péchés, s'il lui arrive de faiblir, s'il lui arrive de faire un faux pas, il lui incombe de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'un repentir sincère, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses grands péchés, et ensuite il pourra bénéficier des expiations mentionnées dans ces hadiths. Ceci concerne donc quelques mérites parmi les mérites du jeûne, et les mérites sont bien plus nombreux. En effet, les mérites du jeûne sont venus dans de nombreux hadiths, mais nous ne pouvons pas ici tous les mentionner, on se contentera de cela, inshallah ta'ala. Et je vous invite à revenir à des cours que l'on a donné précédemment sur ce sujet, que vous pouvez retrouver en ligne sur le site, inshallah ta'ala. Passons maintenant aux sagesses du jeûne. Ce jeûne, il a été légiféré pour nous pour de nombreuses sagesses. Et nous allons mentionner ici trois de ces sagesses. La première est la purification de ton âme. Lorsque tu jeûnes, les voies du diable sont rétrécies dans ton corps. Ainsi, il a moins d'emprise sur toi. Ce jeûne, il va donc t'aider à te purifier de tout mauvais comportement et de tout mauvais caractère. Il va également t'aider à t'éloigner des péchés, à t'éloigner des actes dont l'auteur encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est une adoration qui est constante durant la journée. Du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, tu es en adoration à chaque instant, car tu jeûnes. Donc la pratique de cette adoration, elle va t'aider à te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, lorsque ton âme sera tentée à commettre un péché, tu vas te rappeler que tu jeûnes, et ceci va t'aider à t'écarter de ce péché. Parmi les sagesses du jeûne également, il y a le fait qu'il va t'aider à renoncer à la vie d'ici-bas et ses désirs, et à te concentrer sur ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense dans l'au-delà. En effet, lorsque tu jeûnes, tu t'écartes des choses pour lesquelles ton âme a un penchant. Tu t'écartes des boissons, tu t'écartes de la nourriture que tu as l'habitude de manger et que tu désires, et tu t'écartes d'autres parmi les désirs qui sont interdits lors du jeûne. Ces désirs qui font partie des plaisirs mondains. Tu t'en détaches donc et tu t'en abstiens pourquoi? Recherchant la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci t'aide à renoncer à la vie d'ici-bas, à ne pas avoir le cœur attaché au bien de ce bas monde, mais à faire prévaloir ce qu'il y a comme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et tel doit être le comportement du musulman au quotidien tout au long de l'année. Mais le jeûne est un entraînement à cela, qui t'aide à dresser ton âme, à prendre le dessus sur elle, en lui imposant de faire prévaloir l'au-delà à la vie d'ici-bas. Enfin, parmi les sagesses du jeûne, il y a le fait qu'il te pousse à prendre conscience de la situation de tes frères et sœurs parmi les pauvres, qui ressentent la douleur de la soif et de la faim tout au long de l'année, car ils n'ont pas de quoi se nourrir comme ils le veulent et comme ils en ont besoin. Wallah al-musta'an. Si tu es comblé de tout ce que tu désires, le jeûne va te permettre de ressentir la douleur de la faim, la douleur de la soif. Et ainsi tu vas te rappeler que tu as des frères et sœurs qui vivent de cette manière tout au long de l'année et qui subissent cette situation au vu de leur situation précaire ou alors de l'instabilité de l'endroit dans lequel ils vivent, et ainsi de suite. Ceci va te pousser à avoir de la compassion pour eux, et à leur venir en aide autant que possible selon tes capacités. Ceci fait donc partie des sagesses et des bienfaits du jeûne, qui également sont nombreux, mais on va se contenter de cela, incha'Allah ta'ala. Passons maintenant aux paroles de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui a dit: Al-aslu fihi, la base à son sujet, c'est-à-dire au sujet du jeûne. Qawluhu ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Al-ayat. Donc la base au sujet du jeûne, ce sont ces versets de Sourate Al-Baqarah, à partir du verset 183 et les versets suivants, qui sont les versets où on retrouve les principales règles du jeûne. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a donc mentionné le premier de ces versets, dont le sens rapproché est: Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. On a donc vu que ce verset, il nous prouve l'obligation du jeûne qui a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous prouve également que ce jeûne, c'est une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. En effet, il ne l'a pas prescrit qu'à la communauté de l'islam, mais il l'a prescrit également aux communautés qui nous ont précédés. Cela prouve le rang éminent qu'occupe cette adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, on voit à travers ce verset l'objectif du jeûne. On a vu sur quoi il reposait. S'abstenir de boire, de manger, de toute chose annulant le jeûne, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cela avec intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a-t-il prescrit cela? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit cela simplement pour qu'au long de la journée tu sois assoiffé, affamé et ainsi de suite? Ce n'est pas cela l'objectif. L'objectif, ce n'est pas simplement que tu t'abstiennes de boire et de manger. Mais l'objectif est bien plus noble que cela. L'objectif, c'est que tu atteignes la piété. La'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et la piété, qu'est-ce que c'est? En quoi elle consiste, at-taqwa? At-taqwa, c'est le fait de te soumettre aux ordres d'Allah en espérant la récompense d'Allah. Et de t'écarter des interdits d'Allah en craignant le châtiment et la colère d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est cela la piété. Te soumettre aux ordres en les accomplissant et te soumettre aux interdits en les délaissant et t'en écartant. Et lorsque tu jeûnes, qu'est-ce que tu fais? Tu te soumets aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a ordonné de ne pas boire, de ne pas manger, ainsi de suite, tout au long de la journée. Et comme on a dit, tu es en adoration tout au long de cette journée. Du matin jusqu'au soir, tu es dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, car si tu as soif, tu t'abstiens de boire. Pourquoi? Par crainte du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'Allah t'observe, tu sais qu'Allah te voit, tu sais qu'Allah sait tout ce que tu fais. Donc, tu t'abstiens de boire. Si tu as faim, tu patientes sur cette faim. Pourquoi? Espérant la récompense qu'il y a auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une forme de piété. Donc, durant ce mois, tu t'entraînes à faire preuve de piété à l'égard d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en te soumettant à ses ordres, en les accomplissant, et en t'écartant et t'éloignant de ces interdits. Et ceci est une des plus grandes sagesses pour lesquelles le jeûne a été légiféré, le fait que tu atteignes la piété. Et ceci doit se manifester à travers le comportement du jeûneur. Ne pense pas que pour jeûner d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, il te suffit de ne pas boire, de ne pas manger. Mais ce qui est attendu de toi est bien plus noble que cela. Il est attendu de toi également que tu t'éloignes de toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite, que tu t'éloignes des paroles fausses, des paroles mauvaises, que tu t'éloignes des péchés, de l'écoute, de la musique, que tu t'éloignes également des vidéos interdites, ou alors de regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas permis de regarder, et ainsi de suite. C'est cela la réalité du jeûne. Et c'est ainsi que le croyant, de par son jeûne, il atteindra la piété bi'idhnillahi ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, celui qui ne délaisse pas les paroles fausses et leur mise en pratique, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Tu dois donc bien saisir et avoir conscience que la réalité du jeûne, ce n'est pas seulement de t'abstenir de boire et de manger. Mais c'est une chose bien plus noble que cela qui est attendue de toi, qui est de parfaire ton comportement et de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné les conditions rendant obligatoire le jeûne, c'est-à-dire pour qui le jeûne est-il obligatoire. Il a dit rahimahullah, wa yajibu siyam ramadan ala kulli muslimin baligh aqil qadir ala as-sawm. Et le jeûne de Ramadan est obligatoire pour tout musulman pubère doué de raison capable de jeûner. Ceci sont donc les quatre conditions rendant le jeûne obligatoire sur lesquelles les gens de science sont unanimes. Tout musulman pubère doué de raison capable de jeûner, le jeûne est pour lui une obligation. Et certains parmi les gens de science ont rajouté comme condition la résidence, car comme on va le voir, le voyage fait partie des excuses permettant aux musulmans de rompre son jeûne. Et également, ils ont mentionné l'absence d'empêchement, c'est-à-dire l'absence d'une chose empêchant de jeûner, ou rendant le jeûne interdit, comme c'est le cas pour la femme lors des menstrues et des logis. Revenons donc sur ces quatre conditions que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées. La première est l'islam. Le jeûne est donc obligatoire pour les musulmans. Quant aux mécréants, même s'ils jeûnent, le jeûne n'est pas accepté de leur part. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 54 de sourate At-Tawbah: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Et rien n'a empêché que soient acceptées de leurs dépenses, si ce n'est qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. Donc le mécréant, quoi qu'il fasse, ses œuvres sont rejetées, jusqu'à ce qu'il ait foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager. Et les gens de science sont unanimes à ce sujet. Et à supposer qu'une personne entre en islam durant le mois de Ramadan. Supposons qu'il entre le 16e jour du mois de Ramadan en islam. Alors il ne lui est pas demandé de rattraper les 15 jours précédents, car il n'était pas concerné par l'obligation du jeûne avant son entrée en islam. La deuxième condition est la puberté, c'est-à-dire que le jeûne est obligatoire pour tout musulman qui est pubère. Et avant la puberté, le jeûne n'est pas obligatoire. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plume est levée pour trois. C'est-à-dire qu'il y a trois types de personnes, trois catégories de personnes pour qui la plume est levée, leurs actes ne sont pas notés. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et ce hadith est rapporté par les imams Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et d'autres, et il a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahumullahu ta'ala. On voit donc dans ce hadith que l'enfant, tant qu'il n'est pas pubère, la plume est levée. La prière, le jeûne et ainsi de suite ne sont pas des obligations pour lui. Toutefois, est-ce qu'il peut jeûner? La réponse est oui, à partir du moment où il a atteint l'âge du discernement, qui correspond généralement à l'âge de 7 ans, lorsqu'il commence la prière. Les gens de science ont dit à partir de 7 ans, on l'habitue à l'ensemble des législations de l'islam. Et entre dans cela la législation du jeûne. S'il a les capacités de jeûner, on l'habitue à partir de cet âge petit à petit à jeûner, comme le faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui habituaient leurs enfants au jeûne dès leur plus jeune âge. Il est rapporté à ce sujet qu'il faisait jeûner les enfants en bas âge, et une femme des compagnons dit qu'il leur faisait des jouets de laine. Et si l'un d'entre eux pleurait en raison de la faim, car il voulait manger, alors il lui donnait ce jouet de laine jusqu'à ce que vienne le moment de la rupture, c'est-à-dire pour le faire patienter. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Ceci est une preuve explicite qu'il est légiféré pour les parents d'habituer leurs enfants à jeûner, même si ce jeûne peut les amener parfois à pleurer ou à se plaindre de la faim, à partir du moment où il n'y a pas de nuisance réelle sur leur santé. Car l'adulte ou l'enfant, Si le jeûne nuit à sa santé, il ne doit pas jeûner, comme on va le voir dans le passage sur les excuses permettant de rompre le jeûne. Mais s'il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de doute que ceci sera difficile. Mais il convient de l'habituer à cela, afin que lorsqu'il deviendra pubère, il soit habitué à cette adoration, et qu'elle soit facile pour lui. Imaginez-vous que il n'ait jamais jeûné, et que du jour au lendemain il devient pubère, et qu'il doive jeûner 30 jours d'affilée, alors qu'il n'a jamais jeûné auparavant. Ceci sera difficile pour lui. C'est pour cela que dès 7 ans, s'il en a les capacités, on l'habitue, durant le mois de Ramadan, à jeûner afin de s'habituer à cette noble adoration. Et une fois pubère, le jeûne est pour lui obligatoire. Et ici, il est important de rappeler comment l'enfant devient pubère. Car la puberté a des signes. Parmi les signes de la puberté, en ce qui concerne le garçon ou la fille, il y a, premièrement, l'apparition de la pilosité pubienne. Si la pilosité apparaît sur cette partie de son corps, l'enfant devient pubère. Même s'il n'a que 9 ans, même s'il n'a que 10 ans, même s'il n'a que 11 ans. Il devient pubère et il lui incombe tout ce qui incombe aux adultes, en matière de prière, de jeûne et ainsi de suite. La plume n'est plus levée. C'est pour cela qu'il ne faut pas être négligent à ce sujet. Beaucoup de parents négligent ce point-là et pensent qu'il est encore petit, il a le temps. Ils n'apprennent pas ces signes à leurs enfants. Il se peut que l'un d'eux soit pubère et ils ne savent même pas. Et la plume n'est plus levée. Et les parents porteront le fardeau de ses péchés en raison de cette négligence. Donc le premier signe, on a dit, l'apparition de la pilosité pubienne. Le deuxième signe est la sortie du liquide séminal suite à un rêve ou autre. Le troisième signe, qui est spécifique aux filles, est l'apparition du sang des menstrues. À partir du moment où cela se produit, elle devient pubère, même si elle n'a que 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et lui incombe ce qui incombe aux femmes, en matière d'adoration, en matière de voile et ainsi de suite. Et enfin, le quatrième signe, qui est seulement en l'absence des 3 signes précédents, c'est lorsque l'enfant atteint 15 ans. À supposer que jusqu'à 15 ans, aucun des 3 signes que l'on a mentionnés ne soit apparu, alors à 15 ans, automatiquement, il est pubère. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être pubère avant 15 ans. Comme on a dit, il se peut qu'il soit pubère à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans. Et cela dépend des enfants. C'est pour cela que les parents doivent s'instruire à ce sujet et apprendre cela à leurs enfants, afin de connaître le moment de leur puberté. Et on voit à travers cela que il est nécessaire, avant la puberté, de les habituer à l'adoration du jeûne, afin qu'ils puissent la supporter lorsque celle-ci sera obligatoire, et qu'ils n'auront pas le choix que de jeûner, et qu'ils devront jeûner le mois complet. Alors qu'avant la puberté, tu peux le faire jeûner 1 jour sur 2, 1 jour sur 3, et ainsi de suite selon ses capacités, afin de l'habituer petit à petit à la pratique du jeûne. La troisième condition, on a dit que c'est la raison. Celui qui est doué de raison, musulman et pubère, le jeûne est pour lui obligatoire. On comprend donc que le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui souffre de folie. Et s'il jeûne, le jeûne n'est pas valide. Et la preuve à ce sujet, c'est le hadith que l'on a précédemment mentionné, rapporté par Aïcha. La plume est levée pour 3 et parmi eux, le fou, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. La quatrième condition, c'est les capacités. C'est-à-dire que si la personne n'est pas capable de jeûner, en raison par exemple d'une maladie, ou en raison de son âge avancé, alors le jeûne ne sera pas obligatoire pour elle. Et on verra, Inch'Allah ta'ala, les détails concernant les excuses permettant de rompre le jeûne. Parmi la maladie, le voyage, la vieillesse, la grossesse et l'allaitement, et ainsi de suite. On verra ce qui incombe à chacune de ces différentes catégories. Ceci sont donc les 4 conditions rendant obligatoire le jeûne. Et comme on a vu, certains savants rajoutent la résidence, car le jeûne n'est pas une obligation pour le voyageur, et également l'absence d'empêchement, comme les menstrues et les louchis, car la femme, il lui est interdit de jeûner durant cette période. Et on va revenir sur ces 2 questions, Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné comment est déterminée l'entrée du mois de Ramadan. C'est-à-dire, à partir de quand le jeûne devient-il obligatoire? On entend souvent ces dernières années, certaines personnes vouloir imposer de se baser pour l'entrée du mois de Ramadan sur ce que l'on appelle les calculs astronomiques. Et ils disent pouvoir affirmer à l'avance quand commencera le mois de Ramadan, quand il terminera, et ainsi de suite, et ce sur de nombreuses années selon leurs prétentions. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas soumis à ces calculs, mais il a légiféré des règles pour déterminer l'entrée des mois, qui n'est pas basée seulement sur la présence ou non du croissant lunaire d'après les calculs, mais l'entrée du mois est liée à la vue, à la vision du croissant lunaire. C'est pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, continuant, la mention des choses rendant obligatoire le jeûne, donc, وَيَجِبُ سِيَامُ رَمَضَانِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِينَ بَالِغِينَ عَاقِلِينَ قَادِرِينَ عَلَى الصَّوْمِ. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour tout musulman, pubère, doué de raison, capable de jeûner. Comment? بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ. Par la vue de sa nouvelle lune. Que l'on voit la nouvelle lune du mois de Ramadan. أو إِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. Ou alors en complétant à 30 le nombre de jours du mois de Sha'ban. C'est-à-dire que le 29e jour du mois de Sha'ban, le mois dans lequel nous sommes actuellement, la nuit qui le suit est ou bien la première nuit du mois de Ramadan, ou alors la 30e nuit du mois de Sha'ban. Et ceci est déterminé par la vision de la nouvelle lune ou non. Si la nouvelle lune est observée, alors nous entrons dans le mois de Ramadan, le mois a commencé, nous prierons donc cette nuit la prière de Tarawih et le lendemain nous jeûnerons. Mais si la nouvelle lune n'est pas observée, alors le lendemain sera le 30e jour du mois de Sha'ban et le mois de Ramadan ne commencera que le jour d'après. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné la preuve à ce sujet, il a dit « Qala sallallahu alayhi wa sallam, idha ra'aytumuhu fasoumu, wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous le voyez, c'est-à-dire le croissant lunaire, l'hilal, alors jeûnez à sa vue, non pas par les calculs. Et lorsque vous le voyez, rompez, c'est-à-dire à la vue du croissant lunaire du mois de Shawwal, à la fin du mois de Ramadan. Et si vous ne pouvez pas le voir, à supposer que le ciel soit couvert, ou que la nouvelle lune ne soit pas visible. Alors il nous dit « faqduru la ». Alors estimez-le. Qu'est-ce que ça veut dire estimez-le? Ceci est clarifié dans l'autre version du hadith. Donc cette version, elle est rapportée par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Et dans une autre version rapportée par l'imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, le sens de « faqduru la » est clarifié. Et il est rapporté « faqduru lahu thalathin ». Alors, estimez-le à 30 jours, c'est-à-dire complétez la durée du mois de Sha'ban à 30 jours. Et dans une autre narration, le cheikh nous dit فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. Alors complétez la durée de Sha'ban à 30 jours. On voit donc qu'il y a deux manières pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan. Ou la vision de la nouvelle lune du mois de Ramadan après 29 jours du mois de Sha'ban. Ou alors, si elle n'est pas vue, le fait de compléter la durée du mois de Sha'ban à 30 jours. Et il n'y a pas de troisième manière pour déterminer l'entrée du mois, ni les calculs ni autres. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ لِهِلَالِهِ وَلَا يُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ إِلَّا عَدْلًا. Et on jeûne par la vue du croissant lunaire par une personne intègre. C'est-à-dire qu'il n'y a besoin pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan que du témoignage d'une seule personne parmi les musulmans. Quant aux autres mois, on accepte seulement le témoignage de deux personnes intègres. C'est-à-dire que la base pour déterminer l'entrée des mois, il est nécessaire que deux personnes parmi les musulmans intègres voient le croissant lunaire. Et le mois de Ramadan fait exception à cela, il suffit d'un seul témoignage. La preuve à ce sujet est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah, qui rapporte que les gens cherchaient à voir la nouvelle lune. J'ai alors informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vu. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est ici basé sur le seul témoignage de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous a clarifié une autre question importante qui concerne l'intention. Et il a dit, وَيَجِبُ تَبِيِّتُ النِّيَّةِ لِصِيَامِ الْفَرْضِ. Et il est obligatoire d'avoir l'intention durant la nuit en ce qui concerne le jeûne obligatoire. La preuve à ce sujet est le hadith de Hafsa, radiyallahu ta'ala anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui n'a pas l'intention de jeûner durant la nuit, avant l'aube, alors il n'a pas de jeûne. » C'est-à-dire son jeûne n'est pas valide. Ce hadith est rapporté par Abu Dawud, At-Tirmidhi et d'autres, et il a été jugé authentique par Al-Albani, rahimahumullahu ta'ala. Ce hadith, il nous prouve donc très clairement ce que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a mentionné, qu'il est obligatoire concernant le jeûne, obligatoire, d'avoir l'intention de jeûner durant la nuit, même si ce n'est que quelques instants avant le fajr. À partir du moment où la personne a eu l'intention de jeûner avant l'aube, alors son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala. Et il est important ici de souligner que l'intention, ce n'est pas une chose que tu prononces avec ta langue ou que tu prononces dans ta tête, mais l'intention, c'est la ferme volonté que tu as d'accomplir un acte. Donc la personne, par exemple, a supposé que le fajr soit à 5 heures du matin et qu'habituellement, elle met son réveil, par exemple, à 4h45 pour se lever pour le fajr. Mais étant donné qu'elle souhaite jeûner, elle va mettre son réveil, par exemple, à 4h15. Donc le simple fait de mettre son réveil plus tôt, dans le but de prendre le repas avant l'aube, ceci prouve clairement qu'elle a l'intention de jeûner. Et ceci est suffisant. Et entre dans cela également les préparatifs pour le repas du sahur et ainsi de suite. Et lorsque le mois de Ramadan arrive, tout musulman a l'intention de jeûner le mois en entier. À partir de là, une seule intention est suffisante pour l'ensemble du mois de Ramadan. On fera exception de celui qui a rompu son jeûne suite à une excuse, comme ça peut être le cas du malade, ou alors du voyageur qui a le choix de jeûner ou ne pas jeûner. À supposer qu'il est en voyage, et le soir, il s'endort et il est hésitant. Vais-je jeûner demain ou non? Il ne sait pas. Le lendemain matin, il se lève après le lever de l'aube, à l'heure du fajr, mais après le lever de l'aube. À ce moment-là, étant donné qu'il était hésitant la veille, il ne peut pas jeûner ce jour-là son jeûne obligatoire. C'est cela qui est visé par l'obligation d'avoir l'intention. Puis le cheikh de nous dire wa amma an-nafl fayajuzu bi niyatin min an-nahar. Quant au jeûne surérogatoire, il est permis avec une intention en journée. C'est-à-dire qu'il est permis de commencer un jeûne surérogatoire durant la journée. Toutefois, il est conditionné pour cela de n'avoir rien mangé, rien bu, ni rien fait d'autre, annulant le jeûne. La preuve à ce sujet est le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un jour entré auprès de moi et a dit « Avez-vous quelque chose, c'est-à-dire avez-vous quelque chose à manger ?» Et elle dit, nous lui répondîmes que non. Il dit alors « Je suis donc dès à présent jeûneur. » On voit donc dans ce hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a émis l'intention de jeûner au cours de la journée. Et ceci est valide en ce qui concerne le jeûne surérogatoire. Toutefois, il est à souligner que dans cette situation, la personne n'est récompensée que proportionnellement à ce qu'elle a jeûné. C'est-à-dire que celui qui met l'intention de jeûner, par exemple à 13 heures, il s'est levé au moment du dhuhr, il n'a pas mangé, pas bu, ni rien fait d'autre annulant le jeûne, il décide de jeûner. Celui-là n'a pas la même récompense que celui qui a eu l'intention depuis l'aube. Mais son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala. Et il est également à souligner que ceci concerne le jeûne surérogatoire qui est légiféré de manière absolue, c'est-à-dire en tout jour de l'année. Mais en ce qui concerne les jeûnes surérogatoires particuliers comme le jour de Arafat, le jour de Ashura, alors ceux-ci, pour obtenir leur mérite, ils doivent être jeûnés en entier, avec une intention durant la nuit. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, va nous mentionner les excuses permettant de rompre le jeûne, comme la maladie, la vieillesse, et ainsi de suite. Et on verra cela dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.